بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فدانس جور cette nuit du mois de Jumad al-Akhira, le 24 du mois de Jumad al-Akhira, dans la nuit du lundi, nous avons pu, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, profiter de cette conférence en direct avec notre cheikh Abu Abdul A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala. Et cette conférence avait pour thème des conseils et des directives pour les responsables ainsi que ceux qui sont bénévoles et qui travaillent dans les associations de bienfaisance. Cette conférence était destinée en premier lieu aux associations de France, sur la demande de certains d'entre elles, et on espère en Allah tabaraka wa ta'ala que cette conférence et ses réponses à ces questions soient profitables pour les associations des autres pays. Le cheikh, notre cheikh Cheikh Khalid Uthman hafidhahullah ta'ala, a commencé, bien sûr, avant, comme on a l'habitude de faire, on a l'habitude dans ce genre de conférences que nous mettons en place, à travers ce site Ahl al-Dhikr, à certaines périodes, parfois en direct dans certaines mosquées, parfois simplement sur la radio, comme aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire une brève présentation du cheikh que nous appelons. Et pour notre cheikh Cheikh Khalid Uthman hafidhahullah ta'ala, je pense que ceux qui suivent les cours sur le site le connaissent très bien. Sa biographie est présente en arabe et en français sur le site ahldhikr.fr pour ceux qui veulent réviser cette biographie, et elle est présente aussi sur la chaîne Telegram. Et sinon, pour les responsables des associations, notre frère Amin Havidahullah a dû leur faire une brève présentation du shir, et pour ceux qui ont besoin de plus de détails, ils reviendront vers notre frère Amin al-Jazairi Havidahullah. Notre cheikh, hafidhahullah ta'ala, a commencé son cours en citant quelques versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ceux-là, la parole d'Allah azza wa jalla, dans le sens approximatif de ses paroles: certes, cette communauté ou votre communauté est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Le cheikh de nous dire que la divinité est unique. Notre divinité, le Dieu que nous adorons, Allah tabaraka wa ta'ala, est unique, et notre religion est unique. Et la voie, la méthodologie, la législation diffèrent d'un envoyé à un autre, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala ait envoyé le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et a fait de sa législation, Shari'at al-Islam, a fait que cette dernière abroge toutes les législations précédentes. Et il fut envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, à l'ensemble des gens. Comme nous le dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans son livre. Et le cheikh de nous dire que, certes, les messagers ont été envoyés avec des législations différentes, mais leur religion est unique et leur Dieu est unique. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé chaque messager avec la législation qui était avec la législation qui était la meilleure pour son peuple et pour son temps, son époque dans laquelle il a été envoyé jusqu'à avoir envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui par sa législation abrogea l'ensemble des législations. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé avec la législation qui est celle qui a clôturé l'ensemble des législations, la législation de l'islam, qui incombe à toute personne qui était présent en son temps et ceux qui viennent par la suite. Elle incombe à toutes ces personnes de la suivre. À toutes ces personnes qui étaient présentes en son temps et ceux qui les ont suivis, parmi les hommes et les djinns. Il fut envoyé à cette communauté qui est la communauté qui est propre à l'appel, ce qu'on appelle la communauté de la da'wa, ummat da'wa, car la communauté se divise en deux parties, ummat da'wa et ummat al-istijaba. Ummat da'wa, c'est l'ensemble des gens qui ont été présents au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier a appelé à l'islam, parmi les chrétiens, les juifs et autres que cela. Et ummatu al-istijaba, ummat al-istijaba, ce sont ceux qui l'ont suivi dans cette religion et qui ont répondu à son appel et qui se sont convertis, qui sont rentrés dans l'islam. Et le shir de nous dire, hafidahullahu ta'ala, que certains parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui font partie de Ummat al-Istijaba, comme nous venons de le dire, la communauté qui a répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont rentrés dans l'islam, certains d'entre eux n'ont pas suivi sa législation comme il se doit. Ils l'ont contredit. Dans l'ensemble, ils ont suivi sa législation, mais certains d'entre eux l'ont contredit dans cela et ont été à l'encontre de sa législation, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là sont les gens de l'innovation et des passions, ahlul bid'a wal ahwa. Et comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué dans ce hadith qui est communément appelé hadith al-iftiraq, ce hadith où il nous informe sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté se divisera en 73 factions, toutes seront dans le feu sauf une, ce sont ceux qui auront suivi sa sunnah et celle de ses compagnons. Et bien le shir nous dit que certaines personnes, ont nié cela, ont nié ce hadith et n'ont pas pris en compte ce hadith. Et certaines personnes de cette communauté, parmi les gens de l'innovation, ont prétendu que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas divisé. Et le shir nous dit que ces gens-là, ils vivent dans un autre monde, ils vivent sur une autre planète. Car nous pouvons observer que ce qu'il se passe, la vérité des choses, la réalité, et que cette communauté s'est réellement divisée comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué dans ce hadith. Donc, le shir nous dit que certaines personnes parmi les gens de l'innovation ont voulu faire croire, que que cette dissension qui est apparue dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier nous a informé, eh bien, ce n'est qu'une divergence. C'est une divergence qui ne pose pas de problème, qui n'est pas contradictoire. Et ceci, le cheikh nous dit que c'est une grosse erreur. Et il cita, Hafidahullah Ta'ala, que ceux qui ont, parmi les savants, il y a très peu de savants qui ont jugé ce hadith qui est communément appelé par hadith ou l'iftiraq. Eh bien, les savants qui ont jugé ce hadith comme étant un hadith faible, ils sont très peu. Parmi eux, le cheikh nous cite Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui l'a jugé faible, malgré que ce hadith a été rapporté par certains parmi les compagnons, comme Abu Huraira, Auf ibn Malik, Anas ibn Malik, radiallahu anhum ajma'in, et que certains de ces voies ou chaînes de transmission sont peut-être ont une certaine faiblesse, mais que les unes avec les autres, ils se renforcent. Sachant que ce hadith a été aussi rapporté par des chaînes de transmission qui sont en elles-mêmes fortes et véridiques. Et le cheikh nous dit que dans tous les cas, s'il y a un petit nombre de savants de l'islam, comme Ibn Hazm par exemple, qui l'ont jugé faible, ce hadith, eh bien, la plupart des savants l'ont jugé authentique. Et le fait que les gens des passions s'accrochent à cela, le fait que certains savants l'ont jugé faible, cela montre que ces derniers ne suivent que leurs passions. Ils s'accrochent à cela afin de juger ce hadith faible, ou ils prennent donc le jugement de certains de ces savants comme étant ce hadith comme étant un hadith faible, car ce jugement donc va dans le sens de leur passion, dans ce qu'ils disent que la communauté non ne s'est pas divisée, et pour mettre en avant que ces divisions et ces dissensions dans la communauté ne sont que des divisions qui ne sont pas contradictoires, donc la divergence est quelque chose que nous pouvons accepter, alors que la divergence n'est pas une chose que nous pouvons accepter quand elle a attrait aux bases et aux fondements de notre religion. Les divergences dans la croyance, les divergences dans le manhaj, dans la méthodologie, ne sont pas des choses que nous tolérons, et nous ne les tolérons pas, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne les a pas tolérés, et c'est pour cela qu'il nous a informé dans ce hadith que sa communauté se divisera en 73 factions, toutes seront dans le feu sauf une, celle qui aura suivi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons ridwanallahi alayhim ajma'in. Puis le cheikh de nous dire hafidahullah ta'ala que parmi ceux qui ont jugé ce hadith faible, il y a donc toutes les têtes des gens de l'innovation. Parmi eux, il a cité Yusuf al-Qardawi, qui est connu auprès de tous, qui est une grande tête des gens de l'innovation, et une grande tête de cette secte qui est la secte des frères musulmans, qui cherche à diviser la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit que les savants de l'islam, dans certains de leurs livres, comme dans leurs cours et dans leurs allocutions et dans leurs conférences, mettent en garde contre les groupes politiques, les sectes qui se divisent en groupes politiques. Et le cheikh nous dit que cela n'existe pas dans notre religion. Les groupes politiques n'ont pas leur place dans notre religion, car les compagnons, Ridwanallahi alayhim, étaient sur le même la même méthodologie, sur le même manhaj, et qu'ils ne se sont pas divisés, ridwanallahi alayhim ajma'in, en groupes, chacun appelant à son propre groupe et à sa propre idéologie, comme nous pouvons le voir de nos jours, que ces groupes politiques appellent à leur propre idéologie et à leur propre parti. Parmi ces groupes innovés et ces groupes d'innovateurs, nous voyons ce groupe qui est connu comme étant le groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin, qui est un groupe politique de gens de l'innovation qui appellent simplement à leur groupe politique et non à la droiture et au suivi de l'islam véridique et authentique. Et le Shir nous dit que parmi les livres qui ont traité de cela, le livre de ce grand savant qui est Safiur Rahman Al-Mubarakfouri Rahimahullah Ta'ala, un livre où il nous parle et il met en évidence les méfaits et le danger des groupes politiques pour l'islam et les musulmans. Leur danger pour l'islam et les musulmans, il a traité de ce sujet, et dans son livre il met en évidence, comme beaucoup d'autres parmi les savants, mais le Shir nous a cité ce livre-là car c'est un livre très bien de ce grand savant qui est Safiur Rahman Al-Mubarakfouri, qui met en avant dans son livre que il n'y a pas de groupe politique, de faction comme cela, comme la faction des frères musulmans en islam, car as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se sont pas divisés en factions comme cela. Et il met en avant et il met en évidence dans son livre le danger de ces sectes et de ces groupes politiques pour l'islam et les musulmans, et comment ces groupes politiques sont venus dans l'islam par l'intermédiaire des mécréants. Ce sont les mécréants, les kuffar, qui ont ramené en islam ces groupes politiques et qui sont à la base de cela. Et le Cheikh nous dit après cela que il a été dans l'islam, il est arrivé une fitna, un trouble qui est le trouble, la fitna des associations, parfois des associations de charité, et parfois des associations pour l'appel à l'islam, comme ils le prétendent, des associations qui ont été faites et qui ont été fondées pour faire la da'wa, et parfois des associations qui ont été faites pour qui ont été fondées pour des œuvres charitables. Et le Cheikh nous parle d'une association qui a été donc celle-ci fondée pour des œuvres charitables, mais surtout pour la da'wa, l'appel à l'islam, qui a été fondée juste après la chute de l'Empire ottoman. Et cette association a été fondée en Égypte et elle s'appelle Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. Et son fondateur, qui était ce grand savant Muhammad Hamid al-Fiqi, rahimahullah ta'ala, qui a fondé cette association sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est sur la voie des pieux prédécesseurs, mais cette association, comme nous pouvons le voir au jour d'aujourd'hui, n'a pas suivi ce chemin après la mort de ce grand savant, Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, rahimahullah ta'ala. Et notre Cheikh, l'Allama Rabi' ibn Hadi, al-Madkhali, hafidhahullah, a éclairci et a éclairé cela dans une, comme nous le rappelle notre Cheikh Khalid Othman, dans une discussion qu'il eut entre lui et le Shir, l'Allama Rabi' ibn Hadi, par téléphone, car au début, notre Shir Khalid Othman, en Égypte, il y avait certaines personnes qui étaient venues le voir pour lui mettre en avant que le fait de fonder des associations pouvait être un bien pour la da'wah. Et notre shir, au début, avait vu du bien dans cela. Puis après, il lui a été mis en évidence certains défauts dans cela, et certaines mauvaises choses, et certains points négatifs. Et c'est pour cela qu'il a voulu en parler avec ce grand savant, Cheikh Rabi' ibn Hadi. Donc dans une discussion téléphonique qui est enregistrée, qui a été répondue sur internet, où il lui parle et dans cette discussion il met en évidence notre cheikh Khaled Othman certains points de choses qu'il a vu chez ces gens qui ont fondé ces associations, plusieurs associations, certains points comme le fait que il a vu que ces responsables d'associations ont commencé à se battre et à se battre en duel pour avoir l'argent qui venait dans cette association et, aussi, et surtout le pouvoir pour arriver au pouvoir. Et ça, bien sûr, comme nous le dit le Shir, ça peut arriver dans autre que des associations, mais en particulier dans les associations, car elles ont un statut officiel. Et dans ce statut officiel, il y a bien sûr un président, etc., etc. Donc on voit que chacun d'entre eux se battent pour arriver au pouvoir, et ceci est un grand mal dans ces associations. Et c'est pour cela que beaucoup de savants ont interdit le fait d'ouvrir ces associations, ces jamaïyat. Mais sur le shirk, comme il nous l'a détaillé un peu plus tard, dans les pays de Kufr, dans les terres qui ne sont pas des terres d'islam, et bien sûr ce jugement peut différer du fait qu'il n'y a pas d'autres moyens pour arriver à nos fins. Donc ce sera plutôt un moyen d'arriver à cela pour faire l'appel à l'islam, da'wah, aussi pour faire des œuvres charitables, qui sera plutôt d'une porte de la nécessité. Ça rentrera dans la porte de la nécessité. Donc la nécessité, comme ceci est connue, elle est en fonction du besoin. La nécessité doit être prise en fonction du besoin. Voilà. Donc le Cheikh nous dit que dans ce dialogue qu'il y a eu entre lui et Cheikh Rabi', il lui a mis en avant ces points-là. Et Cheikh Rabi' lui-même, Hafidhahullah Ta'ala, lui a mis en avant aussi des choses qu'il avait vues dans cette grande jama'iyya qui est Ansar al-Sunnah, comme quoi il se battait en duel pour avoir celui qui aura l'argent, celui qui aura le pouvoir, etc. Et ceci, c'est quelque chose qu'on voit partout dans beaucoup de jama'iyyat, donc ces associations, et en grand particulier cette association Ikhwani, cette association des frères musulmans qui est Ihya al-Turath, qui est une grande association qui met en avant des œuvres de charité, qui met en avant aussi des œuvres pour la da'wah, pour la prêche, pour le prêche. Mais il y a un grand mal dans cette association. Cette association a rapporté un grand mal, car elle suit le mouvement des frères musulmans qui sont à la base de beaucoup de mal dans le monde musulman. Et cette association Ihya al-Turath, qui a un lien avec beaucoup d'associations charitables, donc le Cheikh nous met en garde, d'associations de charité pardon, et le Cheikh nous met en garde contre cette dernière, et en grand particulier car cette dernière met en avant le nom de la salafiyya. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a répondu aux questions qui lui ont été posées. Jazakallahu khayran. Ces questions qui ont été posées par certains responsables des associations, comme certains bénévoles dans ces associations, demandant à Allah Azzawajal qu'il récompense le shir en bien, ainsi que tous ceux qui ont été une cause pour mettre en place cette conférence et ces questions-réponses, et tous ceux qui ont posé ces questions qui sont des questions bénéfiques pour tout le monde. Le shir, Hafidhahullah Ta'ala, la première question était sur le meilleur moyen ou la meilleure, pardon, le meilleur endroit et la meilleure manière de dépenser l'argent qui venait à ces associations. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous dire que beaucoup des associations sont insouciantes, parfois elles sont insouciantes de ce cette chose qu'il va rappeler bien après cela dans la question, dans la réponse, pardon. Et certains prennent conscience de cette chose-là, qui est une des meilleures manières de dépenser cet argent, mais ils l'utilisent parfois d'une mauvaise manière. Quelle est cette chose-là? Le cheikh nous dit en premier lieu que l'argent, s'il vient de zakawat, donc l'argent de zakat al-mal, eh bien cet argent-là, il incombe aux associations qui récupèrent cet argent-là, qui récoltent cet argent-là, de donner cet argent, de la distribuer dans les huit qui sont évoqués dans le Coran, que Allah Azza wa Jalla nous a évoqués dans le Coran, dans le verset Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin ila akhir al-aya, jusqu'à au bout du verset. Donc c'est huit sortes de personnes à qui on le droit de recevoir la zakat et à qui on a le droit de sortir: les pauvres, les indigents, ceux qui récoltent la zakat, les voyageurs, etc., jusqu'à la fin du hadith. Donc le cheikh nous dit que cela, c'est obligatoire pour eux de le sortir, quand c'est zakat al-mal, une zakat obligatoire, de le sortir dans ces huit catégories, pardon, voilà le mot que je cherchais, catégories, dans l'une de ces huit catégories. Ou dans l'ensemble de ces huit catégories, le muhim, c'est qu'il doit, l'important, c'est qu'il doit donner ses zakat al-mal dans ces catégories-là, et ne pas sortir de ces catégories-là. Ensuite, et ça, le cheikh nous dit que cela, ce sont les associations qui voient quelle est la meilleure de ces catégories à qui donner. C'est eux qui peuvent juger de cela. Et le cheikh nous dit donc après cela, donc, qu'il y a une chose que beaucoup sont insouciants, hein, une catégorie dont beaucoup de personnes sont insouciants, ou parfois, quand ils ont conscience de cette catégorie, qui est une des meilleures catégories à qui donner cet argent-là, eh bien, ils le donnent mal, d'une mauvaise manière. Quel est-il? Le fait de la catégorie donc de gens qui répandent, le fait de donner de l'argent pour le fait de répandre la science profitable, et le fait de préparer des étudiants en science qui eux seront bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Et le cheikh de nous dire que cette association, qui est une association des gens de la bid'a, des gens d'innovation, Ihya al-Turath, qui est une association très mauvaise, le cheikh nous met beaucoup en garde contre elle, eh bien, ils disent, ils mettent en avant cela, que eux, ils prennent l'argent pour le redonner à des étudiants en sciences, pour qu'ils puissent finir leurs études et devenir des prêcheurs qui seront bénéfiques pour la communauté. Cela, ce sont des menteurs. La plupart du temps, lorsqu'ils donnent cet argent véritablement, ils donnent cet argent à des étudiants en sciences, afin qu'ils deviennent des prêcheurs, mais des prêcheurs qui appellent à leur voix et qui appellent à leurs propres intérêts, les intérêts de Ihya al-Turath, et comme cela, ils arrivent à corrompre des prêcheurs qui étaient sur une voie claire et à les ramener dans leur filet et à devenir des prêcheurs qui appelleront simplement à leur manhaj, qui est le manhaj en vérité des frères musulmans, et même s'ils se cachent derrière l'appel au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce groupe égaré, cette association égarée qui est Ihya al-Turath, qui a des liens avec beaucoup beaucoup d'associations, donc le cheikh nous met beaucoup en garde contre cette association. Le cheikh nous dit donc le fait de répandre la science, d'acheter des livres profitables et de les répandre, des livres des savants, des cassettes, des CD, de les répandre, ça c'est quelque chose de très important aussi. Le fait de dépenser de l'argent pour des étudiants en sciences, enfin des étudiants en sciences qui sont des étudiants dont on pense du bien de eux, des étudiants qu'on pense être sincères dans l'étude de la science, afin qu'ils puissent continuer leurs études et se consacrer à leurs études, afin de devenir plus tard des prêcheurs, plus tard même des savants qui seront bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Et bien ça fait partie des plus grandes œuvres de bien, comme le dit ce grand savant qui était l'ancien mufti en Arabie Saoudite, qui est Mohammed ibn Ibrahim al-Ishir, rahimahullah ta'ala. Il disait donc le fait d'acheter des livres et de les répandre aussi, de donner de l'argent dans cela, le fait de préparer des étudiants en sciences, afin qu'ils puissent préserver l'authenticité de l'islam et répondre aux ambiguïtés qui sont répandues par les gens de la mécréance ainsi que les gens de l'innovation, cela fait partie des plus grandes œuvres de bien. La deuxième question était une question qui a été donc posée par certains sur le fait que si on sait qu'un responsable d'association ou un bénévole commet des péchés graves, doit-on le cacher ou alors dénoncer ses actes ? Notre cheikh, Hafidhahullah, de dire que la base chez le musulman, c'est que nous devons cacher les défauts de notre frère. Comme il est venu dans le hadith où Allah Azza wa Jalla aime le fait de cacher donc les défauts. Aussi dans ce hadith qui est hadith Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui cache les défauts d'un musulman, eh bien Allah Azza wa Jalla cachera ses défauts le jour du jugement, ou celui qui cache les défauts d'un musulman dans ce bas monde, Allah cachera ses défauts dans l'au-delà. Eh bien ceci est une base, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Ils cachaient leurs défauts, et le shir de nous dire que cela, en même temps, donc nous cachons ses défauts et en même temps, nous le conseillons, nous le faisons nasiha et nous ne délaissons pas le fait de lui faire ce conseil, ainsi de faire les causes afin que ce mal, ces péchés qu'il puisse faire et le mal qu'il puisse faire cette personne-là, eh bien, elle n'atteigne pas autre que lui. Donc on fera les causes pour préserver les gens de son mal et on lui fera le conseil et on ne délaissera pas le conseil. Une autre question qui est venue, auquel notre cher Hafidhahullah Ta'ala a répondu, est quel est le rôle de la femme dans l'humanitaire et quels sont les actes les plus méritoires pour elle. Le cher nous dit que la base, c'est que la femme musulmane, elle doit rester dans sa maison. La base chez la femme musulmane, c'est qu'elle reste dans sa maison, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, « وَقَرَنَا فِي بُيُوتِكُنَّ » Et ceci est un ordre d'Allah Azza wa Jalla aux femmes des musulmans de rester dans leur maison. Et ceci est la meilleure chose pour la femme. Mais le shir dit que si cette dernière, donc, elle doit, le shir nous dit qu'elle ne doit pas donc s'occuper de ce genre de choses dans l'humanitaire, les choses qui, où il y aura un mélange avec les hommes, ou toutes ces choses-là. Le shir dit que il y a dans cela un mal. Même s'il peut y avoir un bien, dans tous les cas, il y aura dans cela un plus grand mal. Donc cela n'appartient pas à la femme. Mais si la femme est obligée parfois de faire des choses qui ont rapport avec ces associations, comme le fait de faire la da'wa, d'enseigner aux femmes, parfois, dans le cadre de ces associations, de ce que font des actions que mènent ces associations, et bien dans cela, il n'y aura pas de mal si la femme doit enseigner, donner certains cours et être profitable pour ses sœurs. Mais le shir nous met en garde aussi sur le fait que la femme est une tutelle sur les hommes. C'est-à-dire que ce soit elle qui donne les ordres aux hommes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith qui est rapporté par Abi Bakr et qui est radiallahu anhu, qui est dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, il interdit à ce que la femme est une tutelle sur les hommes, et il dit que un peuple qui aura mis à sa tête une femme ne réussira jamais. Donc ce hadith est clair sur le fait que la femme ne doit pas avoir cette tutelle, ne doit pas être à la tête des hommes. Le cheikh nous dit que beaucoup de ces groupes égarés, et parfois malheureusement dans certaines associations, qui sont touchés par ces groupes égarés, comme le groupe des frères musulmans, ne font pas attention à ce hadith, qui est un hadith qui est très clair, et que l'ensemble des savants disent cette parole-là. Quand nous parlons d'ensemble des savants, ce sont les imams de la communauté, ce ne sont pas des gens n'importe qui que l'on peut voir dans de nos jours dans certaines émissions télévisées, etc. On parle des imams de la communauté, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et autres que eux. Les imams de la communauté sont tous unanimes sur le fait que la femme ne doit pas prendre la tutelle, ne doit pas prendre la tête d'un groupe d'hommes. Le shir ensuite répond à une question qui est quelque chose de très courant en France, le fait que certaines fois dans certaines mosquées qui sont des mosquées qui sont sur la sunna, ou dans certaines associations qui veulent ouvrir une mosquée, ou certaines mosquées qui ont besoin d'argent, de fonds, eh bien ce qui est connu, c'est qu'ils vont faire demander des dons à la sortie, par exemple, de certaines mosquées pendant la prière du Jumu'ah, à la fin de la prière du Jumu'ah. Et certaines de ces mosquées ne sont pas sur la sunna. Et bien sûr, ce qui est connu, même si elles ne le disent pas directement, c'est que si tu viens demander l'argent dans ma mosquée, eh bien moi je viendrai demander l'argent dans ta mosquée. Ou au moment où tu auras ouvert une mosquée, à ce moment-là, je viendrai demander de l'argent dans ta mosquée. Et même si ce n'est pas dit directement, c'est quelque chose de connu. Eh bien, le cheikh nous dit, en réponse à cette question, que si ce sont des gens de l'innovation, qui sont clairement sur les gens de l'innovation, on ne parle pas des gens de la masse, l'awam, qui ne connaissent pas forcément ce qu'ils font, qui suivent un peu ceux qui les tirent d'un sens ou d'un autre. Donc, si ce sont des gens de l'innovation, clairement sur l'innovation, eh bien, ça, on n'a pas le droit de s'entraider. Il est interdit de s'entraider avec eux, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, et entraidez-vous à la bonté et à la piété, ne vous entraidez pas dans les mauvaises œuvres. Ensuite, le shir fut questionné sur certaines personnes dans des associations, donc des bénévoles, des responsables d'associations qui travaillent pendant la journée, et elles effectuent donc ces frères-là, ils travaillent pendant la journée, ou ces personnes donc ces frères-là qui travaillent dans ces associations, ils travaillent pendant la journée, donc elles effectuent des maraudes le soir, et certains rentrent des fois très tard. Quel est le jugement sur le fait de rater la prière du Fajr due à la distribution tardive, ou alors quel est le conseil pour éviter cela, en sachant que les sans-abri sont pratiquement plus là le soir que la journée? Le cheikh nous dit qu'il convient de craindre Allah Azzawajal comme on le peut, de craindre Allah comme on le peut. Et le shir nous dit que du moment qu'il a été rappelé, comme dans la question, que la personne elle peut avoir un certain temps, c'est-à-dire toute une nuit pour faire la distribution, eh bien il ne convient pas de faire la distribution à un moment où ce sera difficile de prier, donc la prière du Fajr à son heure, en jama'a, en groupe, etc. Donc de bien chercher, de craindre Allah comme on le peut, et de bien chercher les heures propices à cette distribution, du moment que ça ne rentre pas dans les heures de la prière du Fajr. Sachant que, comme le shir nous le dit dans la question, il était rappelé que ces maraudes seront le soir, et bien sûr le soir c'est un temps qui est très long, donc il ne convient pas que ce temps de distribution soit en contradiction avec le temps de la prière du Fajr, qui mène la personne à délaisser la prière du Fajr. Ensuite le shir fut questionné sur le fait, donc, peut-on utiliser l'argent des dons pour tout achat de fonctionnement de l'association, c'est-à-dire matériel, gobelets, assiettes, frais de compte bancaire, etc., dans la limite du raisonnable. Donc, j'ai rappelé aussi dans la question le fait d'acheter aussi de l'essence pour pouvoir faire ses maraudes, etc. Donc, le shir nous dit que du moment que ça a un lien direct avec le fait de les distributions, etc., ce que font ces associations, eh bien, il n'a pas de mal dans cela. Et plutôt, le shir voit qu'il rentre dans cette catégorie qui est rappelée dans le verset des catégories auxquelles on doit donner la zakat, al-amilin alayha. Donc, il voit qu'il rentre dans cela, ceux qui travaillent pour le fait de distribuer, de récupérer la zakat et de la distribuer. Donc il voit que ça c'est un haq de prendre cet argent. Il voit que c'est un droit de prendre cet argent pour le bon fonctionnement de ces associations. La dernière question était sur le fait de le jugement de faire systématiquement des vidéos, des photos, des distributions de repas, vêtements ou autres, et de les diffuser sur les réseaux sociaux afin de justifier les dons auprès des donateurs, et également aussi afin de sensibiliser les autres personnes. Donc cette question, je l'ai posée en la résumant, mais c'est à peu près donc le sens de la question que j'ai posée. Le cheikh nous dit que le fait de prendre des vidéos, des photos, et bien ça c'est une innovation. Donc pour cela, donc pour sachant que le cheikh voit l'interdiction de prendre des vidéos et des photos, comme il l'a dit un peu plus tard, que dans la question, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, le fait de faire at-taswir, c'est-à-dire at-taswir, tout ce qui rentre dans at-taswir, les vidéos, les photos, ça rentre dans cela. Il voit que ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, mais au-dessus de cela, il dit que celui qui a, ceux qu'ils ont mis en, qu'ils ont, comment dire, qui ont qui ont ramené cette chose-là, ce sont généralement des gens de l'innovation, comme parmi eux Ihya al-Turath, cette association que nous avons évoquée plus tôt dans le cours et dans les questions précédentes, ou dans les réponses précédentes. Et ils ont rapporté cette innovation-là, le fait de toujours prendre en photo, en vidéo, toutes ces distributions, afin de montrer qu'ils font du bien, etc., mais c'est-à-dire de montrer qu'ils font du bien afin d'appeler les gens à leur propre personne, à leur faction, à leur secte, à leur association, aussi à appeler les gens à regarder ce qu'ils font. Et ça, le cheikh voit que ça rentre dans la porte de Ar-Riya, c'est-à-dire l'ostentation. Donc c'est une chose qu'il faut délaisser. Et le cheikh de nous dire, donc comme la question de nous dire que si on veut montrer aux gens le bien que nous faisons, eh bien cette chose-là, ce bien va se voir dans les œuvres que nous faisons, dans nos œuvres, les actions que nous menons, le bien va se voir là-dedans. Et ceux qui auront un regard sur ces œuvres, sur le résultat de ces œuvres, eh bien ils verront le bien qui aura été fait, ils verront dans quoi leur argent a été dépensé, ils verront le bien qu'il y a dans ces associations et dans ces œuvres de charité. Et le cheikh s'est arrêté ici, il dit que s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on pourrait y répondre dans le futur. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Exactly.